S2. Mon rap crado et casse des dents, rabatte mes casse des dents. Jalta et sale phase, mes rapaces écrasent les dents. Bâtard, mon rap dérange, cascade de phase étrange. Castagne et track, fan, j'escabale, te casse les jambes. Son bois et je trace mes cerfs, comme quoi je dépasse les mètres. Les lèvres, les plus gars, mon rap déploie ses ailes. J'ai mal et je rappe mes pères, si qui est mon exutoire. Le reste du temps, ben je le passe dans la schneck du diable. Mon rap, il n'est pas qu'on gagra pas un autre. Mon rap, il n'est pas comparable à un autre. Mon rap se méfie étrange dans le vide. Si je tente d'envie, c'est que je le fais sans grande envie. Mon rap fait des prestations fortes. Il aime là son bois et il baisse pas son froc, salope. Mon rap a des tonnes de rimes à revanche. Boxe le titre arrogant, fuck ceux qui parlent dans le vent. Mon rap est dur, on n'arrête plus. Mon rap est underground. Mon rap est cru, mon rap est dur, mais n'est pas number one. Mon rap parle au rap, pas assez au cas des terres. J'enfoncerai ma rime dans le crâne à l'aide d'un cathéter. Mon rap est dur, on n'arrête plus. Mon rap est underground. Mon rap est cru, mon rap est pur, mais n'est pas number one. Mon rap parle au rap, pas assez au cathéter. J'enfoncerai ma rime dans le crâne à l'aide d'un cathéter. Depuis apocalyptique, des boucheries où je vris. Tout pas où je vais quand je déboule, je rime, des coups se disent. Le frère donne du vrai spectacle, baisse l'état respectable. Et mon rap donc restez là, mon texte est crade sale. Quand ça jacque, je parle pas à face de bâtard qui tombe comme la chatte de ta femme. J'rappe de la frappe, mon rap est un grabuleux. T'as vu le taf, fait, mon rap est crapuleux. J'parle de mon rap, j'clash tes types, les ne parle casse des dix. J'rappe mes titres, l'appétit d'un type quand je crache mes tripes. Je vais me répéter, mon rap n'est pas variable. Au fait, j'ai trouvé mon rap au fond d'une Bavaria. What I am, un jeune prend leur agressif. Les doigts dans la résine, les doigts prends ta vraie chip. Mon rap est rempli de thèse, ma gueule. Gégo trip, qu'est-ce qui approche? JUS x2. Mon rap est dur, on n'arrête plus. Mon rap est underground. Mon rap est cru, mon rap est dur, mais n'est pas number one. Mon rap parle au rap, pas assez au cathéter. J'enfoncerai ma rime dans le crâne à l'aide d'un cathéter. Mon rap est dur, on n'arrête plus. Mon rap est underground. Mon rap est cru, mon rap est pur, mais n'est pas number one. Mon rap parle au rap, pas assez au cathéter. J't'enfoncerai ma rime dans le crâne à l'aide d'un cathéter.